coup, moi, je voudrais faire une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, il y a quand même pas des actions, de la mobilisation, en fait, de la part des anars autour de cette question. Okay. Even though that we said that within the movement there is often lacking a real perspective on veganism, that's all the same. There's been a strong movement and many actions have been done for the liberation of animals and against the exploitation of animals in the idea of veganism. At least some. Many. Il y a des fanzines qui sont écrits, distribués. Il y a des actions, des stands d'infos qui sont faits assez régulièrement, des rassemblements. Okay. So there's been a lot of zines written on the subject. There have been info stalls and gatherings held regularly to give the information about the subject. And to people on the street as well. And also to people on the street. En fait, il faut dire que c'est comment dire, ça perd en visibilité du fait que ça peut pas forcément durer très longtemps du fait de l'isolement en fait. L'isolement dans le milieu anard d'une part, et puis du coup l'isolement aussi dans le milieu droit des animaux, qui est quelque chose de très large quoi. Et que du coup bah, plutôt quand on est anard, on est plus du côté libération animale que droit des animaux. So well, it's still quite marginal, both within the anarchist movement and also in the movement of the animal rights, because that's also quite a broad movement. Et en fait, par rapport à la distinction entre libération animale et droit des animaux, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif est le même, c'est donc la fin de l'exploitation des animaux. La différence, c'est sur une approche, de regard sur la société. Le mouvement pour les droits des animaux va considérer en fait que ça se passera par des réformes légales notamment, tandis que le mouvement de la libération animale en fait ne s'illusionne pas sur le caractère étatique qui serait neutre, et considère en fait que l'État fait partie de l'oppression sur les animaux, et donc va utiliser des stratégies radicales donc qui sont pas forcément légalistes. About the difference between the animal rights movement and the animal liberation movement, both of them want to emancipate animals, but the difference is that the animal rights movement thinks that it's possible with laws and legal reforms, and the animal liberation movement has no illusion actually about the society and about the state, and think that the state is also an oppressive a part of the oppression against animals. Just to clarify, it was said before that there's a big difference. So as anarchists, we are more interested in animal liberation than talking about the rights of animals. I was not translated before. Du coup, but it was said in French before that. This. Non. Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la répression vis-à-vis de ce positionnement-là est quand même assez forte. Elle a été beaucoup dans les années 80-90. So what is also important to say is that the repression against this movement is also quite strong, especially in the 1980s and 90s. Et que ouais, du fait de l'isolement dont je parlais tout à l'heure, ça a, comment dire, un peu bloqué le mouvement quoi, et là actuellement ça revient, et de nouveau la répression se fait sentir, notamment par rapport au sabotage de chasse, et qui du coup de la même manière est un peu endormi en ce moment quoi. Yeah. So what the fact that it was marginal, that the movement is marginal and isolated, kind of blocked the movement or stopped it a bit, and now that it's growing again, the repression starts again as well, and especially in like people for people who are sabotaging hunting. Yeah, hunt sabotage. Et du coup, par rapport à la répression à l'international, des lois antiterroristes en fait qui ont été pondues dans les années 2000 aux États-Unis voilà, sur le fait de nuire aux multinationales en fait par action portée contre, en l'occurrence, des actions contre les lobbies pharmaceutiques des grandes industries cosmétiques aux États-Unis, voilà, des campagnes qui ont mis des militants, enfin, qui ont mené des militants en prison juste pour avoir nuit aux capitaux de ces grosses multinationales. So the repression on an international level, the repression is also growing or quite strong. For example, in the US, the people that were kind of fighting against animal testing in the around the year 2000, they got really, really harsh punishments for doing that. They went to prison because they damage the finance or the yeah. The finances of the companies. Oh, yeah. That just caused economical damage. To seek economic and sabotage. Sabotage. Manufacturing destroy. Economic damage. Economic damage. C'est par la diffamation, on pourrait, comme on dit en France, un petit peu, par le fait de nuire à l'image. Ouais. Multinational. C'était L'Oréal en l'occurrence, okay. Par exemple, ce grand groupe. So they just damaged the image of L'Oréal, and that was kind of what they were accused of, because they caused economical damage because of the nice image of L'Oréal was damaged. Si quelqu'un veut rajouter autre chose, ou sinon en fait on peut enchaîner sur un petit reportage sympathique aussi. Qui était fait sur le véganisme et justement qu'est-ce que ça implique au niveau des perspectives de lutte en général dans notre société, on va dire comme ça. Je sais pas si ça vous branche. Oui. Ok. Pour les auditeurs, désolé, c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir un retour comme ça, mais en espérant que ça vous plaise, voilà, c'était une session aussi enregistrée il y a quelques temps. Hop.